pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. La saison de la Ligue nord-américaine de hockey va débuter ce soir et Richard Martel, le nouveau commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, était de passage sur les ondes de CKJ avec Michel Tifo et Dominique Volduc pour parler un peu de comment il voit sa vision et son nouveau travail depuis qu'il est commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, on écoute Richard Martel sur les ondes de CKJ avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. 15h48, ça se dit-tu encore, ça, Dominique? Pas de changement, pas d'agrément? Ben, je pense que oui, on peut dire des ça. Des fois, on entend ça, là, d'une conversation de tous les jours. Pas de changement, pas d'agrément. Dans n'importe quoi, là. Absolument. Au niveau du travail, au niveau, même au niveau des amours, peu importe. Oui. Pas de changement, pas d'agrément. Notre prochain invité, l'an dernier, on le présentait comme instructeur, comme nouvel instructeur des Marquis de Jonquière. Cette année, on va le présenter comme nouveau commissaire de la Ligue nord-américaine. Richard Martel, bonjour. Bonjour. Richard, comment se fait la transition coach-commissaire? Mais jusqu'à maintenant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Là. J'aime ça beaucoup. Parce que dans le fond, c'est du coaching que je fais un peu. Là. On coach, je dirais, cette ligue-là dans le sens que on essaie de passer nos idées. On essaie que les propriétaires travaillent ensemble. C'est ce qui est important. Parce que les 6 équipes qui sont là présentement, il faut s'organiser pour rester en partant. Avant de penser à l'expansion, il faut penser d'être solide, les 6 ensemble. Puis ça, chacun va avoir besoin de l'autre durant la saison régulière. Puis à un moment donné, si une équipe est en difficulté, on va peut-être demander à les équipes mieux nanties de faire des échanges qui pourraient, des joueurs, je te dirais pas de premier plan, mais des joueurs de profondeur pour aider certaines formations. Alors, faut qu'on soit capable de s'entendre comme groupe, là, parce qu'on est rendu très limite. Alors, à partir de là, ça va bien. On prend des décisions en fonction du bien de la Ligue aussi. Quand tu as commencé à travailler comme commissaire de la Ligue nord-américaine, tu as ouvert les dossiers, est-ce que tu t'es aperçu que c'était pas mal gros? Est-ce que tu t'attendais à ce que tu vis actuellement? Je m'attendais à ce que je vis présentement parce que quand tu veux amener une Ligue à un certain degré de crédibilité où l'image de la Ligue est, c'est au fil des ans, quand même qu'elle s'améliore énormément. Au niveau provincial, cette image-là, on n'est pas capable de la faire rayonner. Hein. Alors, je savais qu'elle allait avoir beaucoup, beaucoup de travail sur ce côté-là, mais le défi est tellement intéressant. C'est ça l'affaire. Puis, tu sais, quand tu as coaché longtemps, moi, je suis un gars de défi. Puis j'aime beaucoup toucher à des choses que, en partant, mes chances sont très minces de réussir. Fait que ça, c'est des choses que j'aime. Ça a été comme ça dans le hockey. Ça a été comme ça dans un peu partout. C'est vrai que j'ai fait du hockey presque toute ma vie. Mais j'aimais beaucoup prendre une concession quand je coachais, puis de la relever, puis de l'amener à bon port. T'sais, malheureusement, ça arrivait souvent dans le junior parce qu'on manquait de temps. Puis souvent, ça passait à autre chose. Mais j'ai toujours eu du succès à prendre quelque chose qui va pas bien, puis de le remettre sur les rails. Alors, le défi de la Ligue nord-américaine, là, vraiment, vraiment, là, c'est un défi fait sur mesure pour moi. Puis c'est très difficile d'amener le dossier, je te dirais, à bon terme. Mais je trouve ça extrêmement passionnant parce que j'ai des commanditaires aussi à aller voir. J'ai du monde à convaincre d'embarquer avec nous. Faut créer de la visibilité. Il a fallu que je m'organise. Puis les gens étaient réticents, les propriétaires étaient réticents au départ. Alors il a fallu que j'amène la web diffusion qui ont acheté, qui ont accepté. À partir de là, c'est toute une je te dirais toute une affaire là, organiser ça pour que ça sorte vraiment du professionnel lorsqu'on va écouter ça sur le web diffusion, sur la voie de diffusion. Alors c'est des beaux défis. Puis moi je pense qu'on a pas mal tout à gagner, les propriétaires aussi, les joueurs aussi, la réponse des joueurs. Les joueurs ont l'air d'avoir beaucoup d'enthousiasme là, avec la nouvelle année qui s'approche. Elle débute jeudi à Sorel. Alors, je te dirais, là, puis même si on a des échanges assez pointus là, durant les assemblées générales, il reste que c'est vraiment intéressant. On s'ennuie pas. Hier, il y avait une importante conférence de presse à Trois-Rivières. Est-ce que tu es content de la couverture médiatique pour la Ligue nord-américaine? Je pense que la conférence est extrêmement bien déroulée. La couverture médiatique, là, c'est t'entends quoi là-dessus aussi? Tu parles des gros réseaux. Les gros réseaux, Montréal, Québec, est-ce que tu penses qu'on va être capable de percer ces marchés-là, ces médias de Montréal et de Québec dans les prochains mois? Ben, premièrement, faut pas leur en vouloir à ces gros médias-là, ces gros marchés-là, parce que faut que la Ligue nord-américaine, là, il faut qu'elle gagne en crédibilité, hein, pour toucher ces médias-là. Puis c'est faut être juste conscient de ça. Puis je pense dans un avenir rapproché, à un moment donné, il y en a qui vont nous faire de l'œil, parce que si on met la visibilité, si on réussit du côté de la visibilité, puis les gens s'aperçoivent, les gens qui viennent pas, là, que je parle, parce que les gens qui viennent sont convaincus au produit. C'est les gens qui ont délaissé depuis 4-5 ans, ou je dirais d'une dizaine d'années, puis qu'on n'est pas capable d'aller rechercher. Ceux qui ont délaissé parce qu'ils n'aimaient pas le style de jeu de ces années-là. Mais on peut pas reproduire le style de jeu de ces années-là. Parce qu'on n'a plus la relève pour ça, puis la culture a changé. C'est ça qui est difficile avec les propriétaires. Je pense qu'on est pas mal tout rendu là. C'est là qu'on commence à comprendre que du jeu robuste, ça en prend, ici, de ça, mais de ce qui se passait avant, c'est plus ça. Alors, c'est ces gens-là qui ont quitté pour ces raisons-là d'autrefois qu'il faut leur montrer que dans notre ligue, ça joue au hockey. Quand tu cliques aussi sur YouTube, là, tu ne vois que des bagarres. La Ligue nord-américaine va cliquer sur YouTube. Là. C'est juste des bagarres que tu vois pendant une demi-heure. Mais bon, il y en a. Ceux qui ne viennent pas à l'aréna, mais seulement où on est rendu, le produit est rendu où? Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important. C'est pour ça que je les ai convaincus. Il faut montrer notre produit. Puis là, on va le montrer cette année 24 fois. Puis le lendemain, il va y avoir les highlights des meilleurs jeux. On va tout construire des clips pour montrer que ça joue au hockey là-dedans. Ça, les joueurs sont extrêmement fiers. Parce que les joueurs dans la Ligue nord-américaine, c'est des bons joueurs. Mais, tu sais, ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Et comment ça se fait que dans la Ligue, tu sais, on parle pas de Saint-Denis, de Cédric Desjardins régulièrement, de Yoel Kolnick, de le nouveau Messenauer qui est arrivé à tête froide. C'est un joueur de hockey. Après ça, tu sais, là, je veux pas toutes les nommer. Je dois en passer certains, mais dans chaque équipe, là, c'est Cloutier, là, qui joue à Saint-Georges-de-Beau. C'est tout un joueur de hockey. J'ai encore gardé un match hors concours. Avec l'âge qu'il y a, puis la forme physique qu'il y a, c'est toute beauté à voir aller. Alors, c'est... La promotion de cette ligue-là doit passer par les bons joueurs, à un moment donné. C'est faut commencer à évoluer, là, un petit peu, là, sur certains points. Je dis pas que tout est mal, mais il faut évaluer sur certaines choses, là. Toutes les ligues ont évolué. La Ligue junior majeure du Québec, c'était une ligue de violence dans les années 70. Arrêtons de nous faire des cachettes, là. C'est rendu une ligue étudiante. Là, je veux pas que la Ligue nord-américaine ait une ligue étudiante, là. Mais je veux dire, là, nous autres, on est un petit peu en retard, là, sur l'ajustement. Comprends-tu, la Ligue junior majeure du Québec le fait. Ça, c'est correct que nous autres, on le fait plus tard, parce qu'on a tout récupéré les joueurs qui étaient habitués à jouer dans cette ligue-là dans les années 2000, 95 et tout ça. Alors là, c'est le changement est là, là. Alors, puis aussi, on a des réponses qui ont été données. La réponse au guichet, le nombre de concessions qui a chuté. Ça, c'est des warnings, ça. Ça, c'est des cas. Ça veut dire réveille-toi, là. Parce que là, si tu changes pas de cap, là, il n'y aura plus tantôt, là. Alors, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde présentement. Hier, vous avez annoncé un nouveau logo. Pourquoi ce changement de logo, Richard? Est-ce que c'était vraiment si important? Absolument, absolument. C'est un logo qui est beaucoup plus vivant. C'est un logo qui est beaucoup plus jeune. C'est un petit peu de la nouveauté qu'on veut amener dans ce circuit-là. Puis, un nouveau commissaire. Tu sais, je te dirais pas nouvelle philosophie, mais tu sais, on va vers l'avant. Alors, puis tu l'as dit tantôt, des changements, pas de changements, c'est plate. Puis dans le monde médiatique, là, puis dans tous les jobs publics, là, je l'ai toujours dit, moi, ils vont tasser des gens, des fois, c'est pas parce qu'ils sont compétents, c'est parce qu'ils sont amenés de le voir là. Tu sais, on le voit en politique, on le voit en arrière du banc des coachs. Tu sais, à un moment donné, quand même, que le coach, il est là, 10 ans, même s'il gagne, on est tanné, là. C'est l'humain, ça. On veut du changement. Tu le dis. Alors, tu sais, le logo, là, on veut du changement, on veut d'autres choses, on veut voir d'autres choses. Puis là, présentement, c'est ce qui se passe. Puis on sent un vent d'enthousiasme, là, tout d'un coup, là. Tu sais, pareil, hier à la conférence de presse, les joueurs qui étaient présents. Il n'y a jamais un joueur qui était présent. On avait 6 joueurs de chaque équipe. On les a présentés. Moi, je les ai présentés au micro. Je les ai tous coachés. Je sais tout d'où ils viennent. Ils ont tous été dans le junior majeur. Alors, puis je disais un petit peu... mes commentaires sur certains joueurs, ça c'était tout un joueur, comme j'ai présenté Sébastien Tinel. Sébastien Tinel, c'était les belles années des deux frères Tinel, là, Marc-André et lui, ils ont fait, ils ont eu du bon temps dans le junior majeur, il a été joué en Europe. Alors les joueurs ont aimé ça, là, parce que là, on mettait l'attention sur les bons joueurs de hockey. Hier, vous avez annoncé des nouveaux commanditaires aussi. Richard, t'es à la barre de la Ligue nord-américaine. Est-ce que c'est difficile à vendre cette nouvelle Ligue nord-américaine? Écoute, d'abord, je pense que les commanditaires, pour venir avec nous, là, ils veulent que quelqu'un leur dise que la crédibilité va monter. Quand je te dis que la crédibilité va monter, là, ça se fait pas en 2 jours, mais déjà, en discutant avec eux, parce que je leur présente aussi des images de l'an passé, quand je vais avoir des nouveaux commanditaires, puis je leur explique qu'est-ce qu'il y en est de la Ligue. Parce que si tu leur expliques pas, ils disent « Ah ouais, la Ligue de bagarreurs, là, Attends, puis là, je voulais dire « time out », là. Tu sais, je veux dire, la bagarre, il y en a dans la Ligue nationale, il y en a dans le junior majeur. Mais il y a d'autres choses aussi. C'est ça que j'amène, moi, il y a d'autres choses aussi. Il y a du ça joue au hockey. Alors là, à partir de là, ben ça écoute, puis tu as dit « Richard, écoute... on va embarquer pour 1 an. Je pense que... Non, t'as pas été capable de signer des contrats à long terme. Les gars, ils essayent. Mais c'est bon, mais au moins 1 an. Mais puis à part de ça, moi, je voulais même pas aucun contrat à long terme. Parce que moi, je veux pas arriver puis avec un commanditaire puis le geler puis 3-4 ans. Puis pourquoi? Je veux dire, ils me font confiance. Ils font confiance à la nouvelle ère, puis ils veulent l'essayer. On a des preuves à faire aussi. Je veux dire, on a des choses à montrer. On a des choses. Alors, moi, je suis bien content de ça. Puis Payet, qui tu sais, Payet, là, c'est le plus gros vendeur de camions GM au Canada. C'est tout ça. Il est à RDS. C'est une crédibilité incroyable. C'est associé avec nous. Faut prendre ça en considération. La fromagerie Boivin, là, d'abord, tu sais bien, puis... Je respecte tous les compétiteurs, mais une poutine sans fromage Boivin, là, c'est pas pareil. Là, moi, je suis vendu. D'abord, je suis vendu à la fromagerie Boivin qui ont acheté la fromagerie Lemaire. Je me suis présenté là. Ils étaient bien contents. Puis on a réussi à les amener avec nous. On est tellement. Moi, en tout cas, je suis régional. Je suis un gars du Saguenay. Puis je te le dis, c'était extrêmement important d'avoir un groupe du Saguenay, surtout une réputation comme la fromagerie Boivin. Puis ils sont associés avec nous. Alors, c'est des affaires qui sont vraiment bonnes pour la Ligue. Puis là, on a encore d'autres commerçants, d'autres personnes qui ont des téléphones. Puis ouais. Puis tout à l'heure, lorsqu'on va voir sur le web la qualité de hockey, puis les commanditaires, ben, ça va peut-être amener autres personnes. Mais on est bien contents, ça va bien. Richard, puisqu'on est dans les commanditaires, avez-vous encore une exclusivité de bière pour la Ligue? Parce que ça, dans les différents amphithéâtres, que ce soit au Centre Vidéotron, au Centre Georges Vézina, au Palais des Sports, des fois les gens disent, bon, ben c'est quelle sorte de bière qu'on va avoir? Est-ce que c'est la même bière partout, dans tous les amphithéâtres de la Ligue nord-américaine? Oui, c'est Molson. Partout, oui? OK. C'est Molson, puis le deal est encore avec nous pour les 2 prochaines saisons. OK. Parce que je sais que la BAT nous l'a demandé, là. Ils m'ont parlé. Ils ont dit, Richard, le deal finit quand? Alors, c'est sûr qu'on est associé avec Molson. Puis dans tout ça aussi, Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai dit à tout le monde, c'est la fidélité aussi des commanditaires qui sont là depuis le début. Après toutes les tempêtes qu'il y a eu, il faut être prudent. Puis il faut pas commencer à faire de surenchères, faut respecter ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années. Ça c'est du respect. Alors je pense que ce côté-là, là, on est tous, on comprend tout ça. Si on revient la semaine dernière, Richard, du côté de Trois-Rivières, bon, les sanctions disciplinaires, ils ont été obligés de se trouver un nouvel entraîneur pour un match. On a fait appel à Norman Flynn, qui travaille du côté d'RDS, et également Michel Lacroix, qui s'est déplacé du côté de Trois-Rivières. Est-ce que ce genre de visibilité-là d'un média de Montréal qui vient faire un tour, coacher comme ça, ça peut être juste positif pour la Ligue? Absolument. Tu sais, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Puis, cette situation-là a fait en sorte qu'il y a eu des suspensions données par notre préfet de discipline. Tu sais, veut pas, le propriétaire de Trois-Rivières est un petit peu dans le trouble avec ces suspensions-là. Puis, honnêtement, il a fait toute une job. Il a réussi à amener Norman Flynn. Puis aussi, pas Martin Lacroix, mais le comment il s'appelle, Monsieur Lacroix? Michel Lacroix. C'est Michel qui était même au match. Alors ça a permis, puis j'ai parlé à Norman Flynn le lendemain, puis Norman m'a dit quelque chose, puis là, OK, là, je suis mêlé bien comme faut, puis il devrait en parler d'ailleurs ce soir à la capsule RDS. Il dit, là, je suis mêlé un petit peu, c'est plus pantoute le hockey que je pensais, là. Alors c'est certain que déjà là, au niveau marketing, ça a été extraordinaire, malheureusement pour les sanctions, mais heureusement de qu'est-ce qui s'est passé là. Alors, tu sais, comme je te dis, c'est très bon pour la Ligue. Dans les dernières années, puis même encore l'an passé, Richard, tu sais, t'es proche de la Ligue nord-américaine là, depuis plusieurs mois, il y a eu beaucoup de critiques sur l'arbitrage. Est-ce qu'il y a eu des corrections qui ont été faites? Est-ce qu'on est capable de d'améliorer ce dossier de l'arbitrage? Je prends mon souffle tranquillement, parce que, tu sais, Michel, dans la Ligue nationale, là, tout le monde chiale après l'arbitrage d'un playoff. Dans la Ligue junior majeure, tout le monde chiale après l'arbitrage d'un playoff. Dans la Ligue nord-américaine, tout le monde chiale, puis ça chiale encore plus fort. Sais-tu pourquoi? Parce que dans la Ligue nord-américaine, il n'y a pas de réglementation qui dit que les dirigeants n'ont pas le droit de crier à tue-tête quand ils sont pas contents après l'arbitrage. Alors là, il y a des sanctions qui vont... Là, j'ai dit aux gars, faut commencer à travailler ensemble. Les arbitres, c'est un mal nécessaire. Ça n'en prend. Dans la Ligue nationale, ils ont une amende quand tu parles contre les arbitres. Dans la Ligue junior du Québec, Gilles Courteau nous appelait et ils ont dit « Si tu parles encore contre les arbitres, tu vas avoir 3 games de suspension. Tu vas avoir une amende salée. » La Ligue junior du Québec te paye et tu craches sur la Ligue. C'est exactement ce que j'ai expliqué. La Ligue nord-américaine crée des jobs. Puis toi, tu vas cracher sur ton employeur. Les arbitres font partie de notre équipe, de notre gang. C'est comme si le commissaire, lui, les arbitres, c'est ses polices. Il y a un chef de police qui est Jim Shandick. Puis là, j'ai police avec moi. C'est la même chose qu'un maire d'une ville. S'il n'y a pas le chef de police avec lui, puis s'il ne les protège pas, puis ses policiers, ben, c'est la même chose. Alors, c'est certain que nos arbitres, on travaille continuellement à les améliorer. Mais là, il n'y a pas un line-up de 3 pages pour remplacer nos arbitres. Ça commence à être limite parce que devenir arbitre au Québec, là, c'est en pente descendante, hein, tu sais ça? Il n'y a plus grand monde qui va l'arbitrer dans le milieu du hockey, puis la relève devient extrêmement difficile. Donc, il faut travailler avec les arbitres qu'on a, puis des fois, tu sais, c'est choquant, comme c'est choquant quand on voyait des gestes dans la Ligue nationale dans le playoff, parce que l'arbitre va te siffler dans ses poches. Ben, c'est comme ça, il va falloir s'y faire. Ça fait partie de la game. Mais, juste pour revenir à ta question, c'est certain qu'on travaille. Puis Jim travaille beaucoup avec eux, puis moi aussi. Alors, c'est certain qu'on veut que ça s'améliore le plus rapidement possible, puis qu'il devienne encore de meilleur en meilleur. Mais je te dirais qu'on a énormément d'expérience au niveau des arbitres. Mais à un moment donné, l'arbitre, là, quand il se fait jamais respecter, là, ça ne tente même pas de faire une bonne job. Là, cette année, il semble que ça peut être intéressant. Ils ont un peu de tu sais, ils parlent, on les écoute. On veut arriver à ça. Alors là, il y a des lignes directives que les arbitres n'avaient pas vu ça dans le passé. Alors tout le monde est très motivé. L'an passé, on regardait les assistances dans la Ligue nord-américaine, à part Jonquière, là, qui avait une moyenne de 1800, ailleurs, un petit peu plus au-dessus de 1000, puis en bas de 1000. Comment entends-tu, Richard, comme commissaire, freiner les baisses d'assistance? Parce qu'il y a eu des baisses d'assistance. Là. Comment entends, à part Jonquière, là, comment entends-tu freiner les baisses d'assistance dans la Ligue? D'abord, la Ligue, les baisses d'assistance, tu sais, quand même, c'est pas d'hier, là, ça... mais il reste que une équipe est supposée faire ses frais avec une assistance à peu près de 1200 par match, là, tu sais ça, là. S'ils vont au cap salarial, là, si toutes les équipes vont au cap salarial, on le sait, là, que ça joue un peu avec ça, mais la réglementation est là pour qu'une équipe vive très bien à 1200 spectateurs puis un cap salarial respecté. Alors, c'est pas gros, là. Non, c'est alors, pas c'est gros. C'est sûr que quand il y a des équipes qui ont un peu de difficulté, des fois, c'est eux autres mêmes qui se mettent dans le trouble. C'est de ça qu'on a discuté. Tu sais, il y a un joueur qui apparaît, puis là, ils s'en vont sur la surenchère, puis ils n'ont pas l'argent pour le payer. Tu sais, ils donnent ce qu'ils n'ont pas, en espérant que... Tu sais, de ce côté-là, il va falloir que tout le monde fasse attention. De l'autre côté, la hausse des assistances, ben c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y a eu une démotivation un petit peu de l'ancien groupe des spectateurs qui aimaient voir 7-8 bagarres consécutives. Puis vu qu'on n'a pas de relève à ça, il y a eu peut-être une démotivation de ces gens-là. Alors, on essaie d'aller chercher avec la web diffusion puis avec la visibilité qu'on veut mettre l'autre partie de spectateurs qui aiment plus le hockey que les bagarres stagées. Alors ça, cette gang-là, en voyant qu'on a un produit, ben on va les ajouter au crowd qu'on a présentement, puis je pense que ça peut être intéressant tantôt. Ouais, t'as parlé de la surenchère de joueurs, Richard. Est-ce que vous autres, à la Ligue, vous pouvez intervenir dans une surenchère pour un joueur quelconque? Parce qu'il y a un danger là-dessus aussi, là. Oui, on a réglé ça hier parce que il y a une nouvelle réglementation, c'est qu'on n'a plus le droit de signer un joueur, un agent libre qui appartient à aucune équipe à partir de lundi prochain midi. Ça veut dire que, je vais donner un exemple, Mike Ribeiro veut revenir dans la Ligue au fait, puis il est sur aucune liste d'équipe. Il peut plus revenir. Il aurait fallu qu'il signe un contrat avant le début de la saison régulière. Oui, mais vous pouvez perdre un bon joueur à ce moment-là. Mais il va attendre l'année après. Il faut qu'il attende l'année d'après. Ouais. Oui, on va peut-être perdre. Attends un petit peu. On va peut-être perdre un bon joueur. Oui. Mais on va peut-être sauver des concessions aussi. Tu sais? Ouais. Vu comme ça, sens, ouais, je comprends. Parce que là, ça s'est passé dans le passé, là. C'est toujours les plus riches qui ramassaient ces joueurs-là. Ben, le meilleur exemple, Richard, okay. C'est il y a 2 ans, les Marquis avaient signé Anthony Stewart en plein milieu de la saison. Exactement. Puis, tu sais, mais Nicolas Blanchard à Saint-Jean-de-Beauce, où il y a eu, peut-être un privilège. Écoute, on ne veut rien amener là-dedans, mais on sait comment ça se passe. Mais toutes les équipes étaient après, puis à un moment donné, il est allé où ce qu'il a décidé d'aller. Alors, tu sais, puis c'est la première année qu'on va faire ça. Puis d'un autre côté aussi, le joueur qui est rejeté ailleurs, OK, en Europe ou n'importe où, où la Ligue nord-américaine, des fois, pour lui, avait pas vraiment de crédibilité. Ben après ça, parce qu'il n'y a plus d'autres places, il vient cogner à notre porte et demande le gros salaire. Tu sais, ça fait que là, on se dit, c'est quoi, là? On commence-tu à se respecter comme Ligue? Commences-tu? Je le sais qu'au niveau, si à un moment donné, David Desharnais est allé être en Europe, il veut venir dans notre Ligue. Tu sais, si on a un cas spécial demain ou quoi que ce soit, je sais pas. Par exemple, un gars comme Parento qui n'a plus de place dans la Ligue nationale. Ben, l'an prochain, il va signer, si tu veux. Ça sera l'an prochain. Parce que cette année, c'est impossible. Mais là, il faut faire attention. Là. Ça, c'est des exceptions que ça n'a jamais arrivé à date. Ouais. Si à un moment donné, ça arrive, parce que les gros noms qui nous arrivent, là, c'est qu'ils sont en Europe depuis plusieurs années, puis on sait qu'ils arrivent vers la fin. Alors, tu sais, il faut faire attention aussi. Là. Mais normalement, on a une liste de 60 joueurs. Je ne peux pas croire que dans 60 joueurs, il n'y a pas des organisations qui ont pensé un petit peu à repêcher là des joueurs un petit peu qui pourraient nous arriver comme ça. Alors là, c'est la job des dépisteurs-chefs, c'est la job des organisations. Puis c'est là, je te dis, il va falloir amener de plus en plus du monde de hockey s'il y a des organisations qui font défaut. Richard Martel a réglé le web télé, les commanditaires, un nouveau logo. La mise au jeu va se faire officiellement jeudi. Les Marquis, eux, vont commencer vendredi. Quels sont les prochaines priorités du commissaire Richard Martel? Prochaine priorité, je te dirais que d'abord, on va tout regarder ça aller, bien sûr. Si on commence à sentir que on est bien parti, c'est certain que les nouvelles concessions, les nouvelles franchises, là, on va commencer à regarder ça parce que il reste que, tu sais, sans prétention et sans rien, Denis Leblanc, qui était dans la Ligue nationale pour Boston puis pour Columbus, qui est mon adjoint, puis Michel Godette, il reste quand même qu'on a un bon réseau de connaissances puis de contacts au niveau d'hommes possiblement qui seraient intéressés. Puis de par parce qu'on est présent dans cette ligue-là, puis on a une certaine crédibilité dans le monde du hockey, bien, ça peut nous avantager. Alors déjà, il y a des gens qui nous ont parlé de quoi que ce soit, je veux rien avancer, mais c'est là que on dirait que c'est un petit peu plus intéressant. J'ai parlé à Jean-Charles à 91.9, puis Jean-Charles disait justement après, là, parce qu'ils ont écouté ses commentaires après que j'ai passé en entrevue, ben non, ben peut-être, là, moi, j'ai déjà été approché dans le passé, jamais je voulais aller là. Tu sais, Jean-Charles, c'est Jean-Charles, là, on se comprend, mais il reste quand même que là, il dit, ah, bon, on va regarder comment ça va aller, on va regarder comment ça va faire. Juste ça, là, c'est excellent. Est-ce qu'on peut dire, on est au mois d'octobre 2017, est-ce qu'on peut dire que Richard Martel ne retournera plus derrière un banc d'une équipe de hockey? Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Non, mais à date, moi, c'est terminé le banc. Ce serait revenir en arrière d'un banc. Tu sais, c'est pas dans ma tête présentement. Ça prendrait une situation vraiment, vraiment, vraiment, vraiment spéciale. Mais moi, dans ma tête, j'ai passé à autre chose. Puis là, j'ai la ligue à cœur, puis je veux qu'elle aille à quelque part. Alors, tu sais, dans ma tête, on peut pas commencer avec. Quand tu choisis des choses, l'an passé, j'ai choisi Marquis de Jonquière, là, pour aller coacher. Quand tu choisis de quoi, faut que tu le fasses. Quand même, puis je l'avais bien dit à Marc Boivin. J'ai dit, là, tu me connais pas. Puis à Éric Claveau. Si une équipe de la Ligue junior du Québec qui apparaîtrait durant la saison, je n'y vais pas. Je termine ici, j'ai commencé ici. Il y a un respect aussi de spectateurs. Il y a un respect. Il y a des billets de saison, des fois, qui se vendent parce que telle personne veut voir quelqu'un arrière du banc ou quoi que ce soit. Faut que tu penses à tout ça aussi. Alors moi, sur ce côté-là, là, j'embarque dans la Ligue nord-américaine. Écoute, Gatineau, là, tu sais, Éric Landry, je le connais très bien. Marcel Patneau l'a démissionné. Tu sais, je te dis pas que j'ai été approché, mais j'ai parlé à Éric. Alors, ça a été clair pour moi. J'ai dit, Éric, parce qu'il m'a demandé dans le futur, puis si, puis ça, j'ai dit, je suis dans la Ligue nord-américaine, puis je suis là, puis je reste là. Je suis comme ça, moi. Richard Martel, là, on va te souhaiter la meilleure des chances. On espère que cette Ligue de hockey va continuer de grandir.